Chaque aurore est nouvelle dans un pays différent. Chaque réveil m'appelle vers l'inconnu devant. Le soleil qui se lève sur des paysages inconnus. Ce moment où tout s'achève et tout recommence, m'a-t-on vu? Nouvelle chance qui s'offre, nouveau corps. Maintenant je suis vivante dans ces matins jolis.